dans vous autres, pour vous autres, quand la tête est. Sais-tu pourquoi est-ce que je pars pas? Parce que je veux pas vous faire passer des changements vibratoires trop rapides. Vous comprenez ce que je dis? Comprends-tu? Si le ma simple, si c'était un le cas d'une relation entre moi et un individu, là j'allais pas apprendre la liberté. Mais comme il y a beaucoup de gens dans la pièce, je peux pas l'apprendre la liberté. Quand tu fais passer des changements de travail rapides, tu fais passer à un individu. Peut-être maximum deux individus à toi. Mais tu peux pas faire passer toute une salle. Parce qu'il y a trop de niveaux différents de sensibilité et d'objectivité de conscience d'une salle. Fait que ça allait aider certaines personnes, mais ça allait retarder d'autres. Ça, je sais pas. Tu connais d'avoir mangé des amis. Mais je sais, vibratoirement, que si je l'avais fait, ça vous aurait fait accéder à un niveau vibratoire qui est. Mais je ne l'ai pas fait pour les raisons que vous avez. Ça va être proche en vous aussi. Bien proche. Il n'y a pas ton tenir là-dessus, hein. Parce qu'il sait comment ça marche, l'énergie. C'est pour ça qu'on a devant nous autres des années. J'ai des années devant moi pour vous amener à un taux de vibration. Mais durant ma période d'initiation, moi, quand j'étais fusionné avec eux autres, puis que je devais passer une initiation avec des gens près de moi, il y avait pas de temps. Là, il n'avait plus de revenus. Tu ne pouvais plus revenir quand la décision était faite. Fait que on portait des changements vibratoires, tu comprends? Vous l'avez dit, l'homme était un cercle de vibratoires. C'est pas important. C'est mental, hein? C'est pas important, on est pas. Si vous aviez été mental, ça vous aurait rien fait. Mais je sais qu'il y a des femmes dans le groupe. C'est ça, c'est ça. J'aimais Burbu. Mais dans ça, il y a un point là-dedans. Si vous pouvez le saisir, ce point-là. La vibration. Parce que moi, j'ai pas pensé à ça. C'est la vibration qui passe, puis j'agis sa vibration, puis la vibration en vrai, je reviens. Mais la vibration, elle aurait pu m'amener à continuer, dehors. Elle aurait continué. Fait. C'est la vibration de la conscience qui détermine ce que je dois faire. Et non moi qui détermine ce que je dois faire. C'est là, à ce moment-là, qu'on est centré. Puis il dit ça, il dit, c'est important qu'on réalise. Moi, ils vont pas commencer ils vont pas commencer à me plonger d'une situation d'initiation avec vous autres, parce que je suis pas intéressé. Je suis pas intéressé, puis ils savent que je suis pas intéressé à vivre, parce que c'est très dur, une initiation de la part. Moi, c'est ça. C'est très pénible. Je l'ai vécu avec ma femme et quelques personnes. Laissez-moi vous dire. Fait que je suis pas intéressé à le faire vous autres. Mais, j'aime ça vous faire comprendre des choses, des nuances vibratoires. Parce qu'un jour, vous allez l'avoir, la vibration, vous autres, vous allez le faire, ce mouvement-là. Ce mouvement-là, là, vous allez le faire. Dans vos expériences de tous les jours. C'est ça. C'est exactement ça. La seule différence, c'est que l'intensité n'est pas aussi grande. C'est le même mécanisme. De toute façon, la charité, c'est pas une charité. On a tous le même potentiel. Si chacun s'occupe de nous, on n'en a pas s'occuper des autres. La charité, c'est un mouvement La charité, c'est un mouvement de l'énergie dans l'homme pour créer dans son entourage une certaine harmonie, pour aider, qui est une forme d'harmonie. Mais ce qui arrive, c'est que les gens pratiquent pas ou vivent pas cette énergie-là, ou pratiquent pas cette, la charité d'une façon consciente. Ils le font d'une façon inconsciente et se vident. Ça, c'est pas bon. Il y en a qui mélangent la charité de pitié. Mais j'entends. La pitié est un exemple de l'aspect négatif de la charité. Ça se fait. Ça se pense pas, ça se fait. Puis ça se fait pas, ça se fait pas. Puis ça se fait, ça se fait. Mais les gens, ça se fait pas, là, ils commencent à avoir de la culpabilité parce qu'ils fonctionnent psychiquement. Mm-hmm. Fait qu'ils commencent à avoir de la culpabilité, je suis pas généreux, c'est généreux. C'est ça. Puis plus les gens sont sensibles, plus ils sont spirituels, mais plus ils sentent ça. Jusqu'à temps qu'ils comprennent une fois pour toutes que c'est une illusion. De leur ego. Quand tu commences à avoir l'air de l'extérieur, c'est parce que tu commences à être spirituel. Quand tu commences à avoir de l'air sans cœur de l'extérieur, c'est parce que tu n'es pas compris. Tu es en retard. Quand tu vas voir, tu fais ce que t'as. Tu peux moins que tu t'arranges pour que ça te dépend de toi. Ça te dépend de toi. Il faut que tu t'arranges pour toujours trouver l'équilibre en tout de l'extérieur. Parce que c'est facile de donner. Donner, c'est tout aussi facile que recevoir. Quand tu es dans la vibration. Parce que des fois, c'est plus difficile de pas donner. D'accord. Parce que c'est tout aussi facile que de recevoir. Seulement, il faut que tu sois dans la vibration. Mais les gens sont pas dans le mental quand ils donnent. Ils fonctionnent psychiquement. Puis c'est pas bon. Ça revient. Fonctionner psychiquement dans le psyché, c'est tout, bien sûr. Les valeurs, ce que j'appelle les formes, c'est ça. C'est ça qui est pas bon. Puis on est conditionné à ça. Ça fait partie de notre être, ça fait partie de notre civilisation, ça fait partie de notre culture. On pense, nos émotions sont faites de ça. Il n'y a pas une journée qui ne te demande pas. Il n'y a pas une journée qui ne te demande pas de donner pour une chose ou pour un autre. Il n'y a toujours pas. C'est ça. Donc, c'est ça que tu fais dans l'air. Tout ce qui est lié à donner, tout ce qui est lié de ton mouvement vers l'extérieur, il faut que ça soit mesuré par toi. Tout le temps. Appelle ça charité, appelle ça donner, appelle ça transiger, appelle ça que ce que tu veux. Quand tu énergises une situation, il faut qu'elle soit mesurée par toi. Si elle n'est pas mesurée par toi, automatiquement, tu en es diminué. Tu en es diminué. Tu es vampirisé. Puis Dieu sait s'il y en a du vampirisme dans le monde. C'est pas facile d'agir centriquement. C'est pas facile. Parce que tant qu'on a de l'émotionnalité, de la subjectivité, tant qu'on fonctionne psychiquement, on est encore sujet à la vibration interne de nos émotions. Puis on est obligé éventuellement, c'est ça être mental, ou supramental. C'est être capable d'agir à partir de la vibration. Et non à partir de la psychologie ou de la valeur psychologique de l'action qu'on fait. Là, t'es neutre, tu peux pas suffire de ton action. Laisse-moi dire que l'action a fait son travail. À ce moment-là. Ça veut dire en autre mot que quand la fait, la fait. Non! Jamais quand ça fait le travail. Faire quelque chose quand ça fait le travail, c'est psychiquement. C'est psychique. Quand tu fais quelque chose mentalement, ça fait ni ton affaire, ni pas ton affaire. T'es neutre. T'es pas impliqué. Moi, parti tout à l'heure, ça faisait ni mon affaire, ni pas mon affaire. Je suis à vibration. Je suis neutre. Si vous autres me traitez de cochon ensuite, ça c'est vos affaires. Moi, ça me fait rien. Comprends-tu? Ouais, mais quand tu donnes, là, comme là, vous sentez que t'as plus loin, vous êtes neutre. Ça vous dérange pas de partir au dressé, de partir. Vous avez sur la vibration. Mais les gens qui ont resté ici, là, eux autres, on a senti une vibration. Ça, on le sent mal. C'est différent. Chacun l'apprend différemment. Je suis sûr que Grotto l'a bien pris. Supposons que je m'en vais au restaurant, je vous rencontre, je m'assieds à la table, je suis avec lui. Dans la partie, je suis fais votre repos. C'est comme ça. Puis là, après, tu, je pose vous rencontre, puis tu lui dis, ben, ça va pas d'accepter mon repos, elle me semble qu'elle connaît pas une autre, mais après, je sais pas, moi. Comme c'est quoi? Tu donneras pas des raisons de même. Moi, je vous donnerai pas des raisons pour payer mon repos parce que c'est une femme. Il y en a qui vont dire, ben, t'as pas d'affaire à me donner tout. Moi, si vous me racontez un restaurant, vous payez mon repas, que je refuse de prendre mon repas, de prendre le fait que vous payez mon repas, je vais le faire pour vous empêcher, pour vous forcer à tuer une forme de sentiment, de... Ouais, mais il n'a pas de sentiment, là, c'est Denis, ça... Ouais, c'est moi qui le sais. Ah, moi. Moi, je le sais. Ben, moi, quand je le sais, il n'y a pas de sentiment quand c'est Denis. Non, c'est pas ça que je veux dire. D'abord, quand vous donnez toujours avec un sentiment. Mais vous donnez toujours avec un sentiment positif. Ouais. C'est impossible à l'ego psychiquement de faire quelque chose sans qu'il y ait une réflexion en lui. Impossible. Impossible. Une réflexion. L'ego, il ne peut pas fonctionner sans réflexion. C'est impossible. J'essaie de vous faire comprendre. C'est avec le temps, avec le temps, avec le temps, il n'y en a plus. C'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on ne peut pas. Dans le don, dans les activités humaines, l'ego est fait de même. L'homme est psychique. Il n'est pas mental. Il devient mental. Quand tu es mental, tu fonctionnes invibratoirement, tu ne fonctionnes jamais psychiquement, psychologiquement, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de part. Il n'y a rien. C'est vide. C'est vide. Tu ne peux plus souffrir. Puis quand tu ne peux plus souffrir, tu ne peux plus faire souffrir les autres. Oh. Fait qu'à ce moment-là, souffrance à terre. Non, je crée un choc vibratoire, je suis revenu. Oui, mais par ça, là, j'ai des téléphones, j'ai dit qu'il y avait des camas qui me tapaient une chiffre. Il y a une vibration. Si je t'appartis, il y en a qui auraient souffert. Il y en a qui n'auraient pas souffert. Mais si je t'appartis, il y en a qui auraient souffert. Parce qu'il n'auraient pas compris. D'abord, la raison pour laquelle je suis revenu, c'est parce qu'il y en a qui auraient pensé que je t'ai fâché. Parce que vous ne me connaissez pas encore. Quand vous auriez pensé que je t'ai fâché. Puis lui, il a pensé que je t'ai fâché contre lui ou qu'il aurait été responsable de tout le mécanisme. Ça va loin. C'est bon. Il m'a fait ça va partir de la centricité. Oui. Après, tu regardes la personne, tu dis, ben, tu n'es pas capable de bien faire. Tu sais que tu le regardes, tu fais rien. Tu regardes tout ça. Ça va aller. il vient un point quand t'es mental. T'as tellement de résistance. Parce que tant que tu fais souffrir les autres, tant que autrement... Tu peux pas être le non, non, non, non, non, non, effectivement. Mais tant que t'es, quand t'es, tant que t'es dans le mouvement vers la centricité, t'as des étapes à passer. Alors, si tu fais, en parenthèse, souffrir une personne, comme tu dis, c'est parce que c'est pour mesurer s'il y a du feedback. Ça, tu peux mesurer s'il y a un feedback. S'il n'y a pas de feedback, c'est pour ça que tu es de plus en plus centré. Mais à un certain moment, quand c'est fini, quand ta propre transformation à toi est finie, quand tu es centré et tout est stabilisé, tu n'es plus intéressé à faire souffrir les gens. Parce qu'à ce moment-là, tu ne peux plus les faire souffrir, parce qu'à ce moment-là, l'équilibre entre ta volonté puis leur volonté est tellement grande que tu n'es plus intéressé à ce moment-là de servir ou que les gens de l'extérieur servent à ta transformation parce qu'elle est finie. Tant que les gens de l'extérieur peuvent servir, tant que ta belle-mère peut servir à ta transformation, elle va servir ta belle-mère à ta transformation. Elle va t'amener à un état de centricité. Mais à un certain moment, quand c'est fini, ça se finit. Puis à ce moment-là, tu as une résistance très grande qui fait que tu peux en prendre, tu peux en prendre, tu peux en prendre, tu peux en prendre, tu peux en prendre. Tu n'es jamais affecté. Merci. Merci. Parce que si faut, à un certain moment, ton énergie, l'énergie, faut que tu puisses la contrôler. Et là, à ce moment-là, ça me dit au départ que je vais aller avoir une certaine sensibilité, etc. C'est les autres qui le, effectivement. Effectivement. Tant que tu vas être en transformation vibratoire, les autres, le monde, autrement dit, le monde extérieur, va servir à ta transformation. Ta transformation va pas être ça. Elle va pas se faire tout ça. Elle va se faire de l'extérieur vers toi, de l'extérieur vers toi, de l'extérieur vers toi. Le seul moment où la transformation sera totalement interne à toi, c'est si tu es en fusion. Là, si tu es en fusion, ça sera plus deux autres, plus deux autres, plus deux autres, plus deux autres. Mais si tu es simplement en transformation vibratoire, ça va se faire de toi au monde, de toi au monde, de toi au monde. Jusqu'à temps que tu arrives à un certain niveau, puis à ce moment-là, tu as développé à l'instant, puis à ce moment-là, le monde ne servira plus à ta transformation. Fait qu'à ce moment-là, tu ne fais plus souffrir. Autrement dit, les gens ne souffrent plus à cause de ta transformation. Parce que là, tu as une grande résistance, puis tu peux en prendre, puis tu peux en prendre, puis tu peux en prendre, puis tu peux en prendre. Aujourd'hui, si quelqu'un t'insulte, tu vas être avec sa gueule. Dans 10 ans, il n'y aura rien de ce côté-là. C'est un exemple. Mais le point que je veux vous faire saisir à soir, c'est le point de la vibration. Parce que la vibration, c'est le fil derrière. C'est tout. C'est toute la vibration. C'est la pénétration de l'homme dans le mental supérieur. C'est totalement au-dessus du psychisme humain. Quand je vous explique quelque chose, dites-vous que dans un temps proche, vous allez commencer à vivre. Les hommes seront amenés à un état de pureté mentale tellement grande qu'ils ne pourront même pas pouvoir penser. C'est pour ça que vos activités présentes dans votre vie font partie d'un mouvement qui va vous amener petit à petit à cette façon. Mais dans le parcours, il y a des choses, il y a des indicateurs, il y a des points d'information qui sont nécessaires pour vous permettre de passer plus vite d'une étape à une autre étape. Pour que vous puissiez sentir la vibration sans être obligé de passer par la souffrance initiatique qui vous passe à la santé initiatique. Thank you. tous les arguments psychologiques que vous pouvez développer en relation avec la vibration sera détruit par la vibration. Comme lui, là, le fils de M. Bessette, il a une belle intelligence. Il a une belle intuition. Les deux marchent ensemble. L'intuition, c'est le mental. L'intelligence, c'est le tissu. Ces deux-là, là, sont constamment en mouvement. Puis éventuellement, il faut qu'il y ait une intégration. Puis éventuellement, le psychisme est différent. Puis éventuellement, le mental est différent. Mais dans ce mouvement-là, dans ce mouvement-là vers le mental pur, le psychisme est déchiré. Il est déchiré. Il est déchiré. Puis il tombe en lambeau, puis il tombe en lambeau, puis il tombe en lambeau, puis il tombe en lambeau. Puis la sécurité du psychisme, la sécurité que donne le psychisme à l'homme, éventuellement, c'est évaporé. Là, l'homme commence à rentrer dans le mental. C'est là que l'homme commence à se comprendre, à se savoir. Mais pas psychiquement, mais vibratoirement. On ne peut pas se savoir psychiquement. On ne peut pas se comprendre psychiquement. C'est un jeu de l'esprit, c'est un jeu de notre esprit. C'est vibratoirement qu'on se sait. Puis quand tu te sais, tu n'as pas besoin de te comprendre. Mais tant que tu es obligé de te comprendre, tu ne peux pas te savoir. Il faut qu'on passe de la loi de la réaction à la loi de l'action. La loi de la réaction, c'est une loi qui est directement liée au psychisme humain. La loi de l'action, c'est une loi qui est totalement vibratoire. Qui n'a ni queue ni tête. Qui n'a aucune considération pour l'homme. Aucune considération pour l'homme. C'est totalement spontané. Ça n'a aucune considération pour l'âme, la vibration. Parce que la vibration, elle doit passer par l'âme pour grandir, grandir, grandir, pour qu'un jour, lorsque l'âme sera en état de passer d'un plan d'énergie à un autre plan d'énergie, il soit capable, vibratoirement, de passer de ce plan-là. Fait que dans le fond, l'homme aujourd'hui est construit pour demain. Mais nous autres, on a toujours de l'égard pour l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir d'égard pour l'homme. Mais ça veut dire que lorsque la vibration passe, on passe d'un plan psychique à un plan mental. Directement. Ensuite, tu peux redescendre si tu veux sur le plan psychique. Et quand tu fonctionnes vibratoirement, tu fonctionnes automatiquement au niveau du plan mental. Si moindrement tu as un égard pour l'homme, si moindrement tu as un égard pour la peur, ils vont te raccrocher des autres tournants pour tuer cet égard-là pour que tu sois mental. Franchement mental. On peut tellement pas rétrograder. Tu peux pas rétrograder. Si vous regardez depuis comment on a commencé, c'est là, ça avance tout le temps. Chacun a son rythme, mais ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Tu peux pas rétrograder. Tu peux pas rétrograder à la conscience. C'est infini avant. C'est pour ça qu'à un certain moment, on arrive à un point de densité relative dans la conscience psychique de l'homme. Et on arrive à un point, là, vous autres, vous n'avez pas touché encore ce point-là. Mais il va venir un point où vous allez toucher la limite extérieure à votre conscience psychique. Le point où vous allez passer du psychisme au mental. Quand vous allez passer du psychisme au mental, que vous allez être tout dans le mental, que vous n'aurez plus de pied dans le psychisme, vous ne pourrez plus fonctionner. Vous ne pourrez plus voir les choses de la façon dont vous les voyez. C'est pour ça qu'à ce moment-là, vous allez être totalement isolé psychiquement. C'est pour ça qu'à ce moment-là, les seules personnes dans le monde avec lesquelles vous allez pouvoir communiquer sont les gens qui sont sous votre environnement. Puis du plan mental, vous montez, vous montez, vous montez, vous changez, vous changez, vous changez. C'est tout vibratoire. Le stage de l'éducation de l'homme est fini. Fini. On n'a plus rien à apprendre des enfants. Mais on a beaucoup de choses à comprendre. Puis on comprend tout vibratoirement, on comprend plus rien psychiquement. Il n'y a plus rien à comprendre psychiquement. C'est vibratoirement qu'on comprend. Puis à ce moment-là, c'est ça le savoir. Sans ça, c'est une perte de temps que tu finis plus. On est totalement inconsistant avec nous-mêmes. Parce qu'on est totalement hors de phase avec nous-mêmes. Là, les gens commencent à être un petit peu plus en phase avec eux-mêmes. Mais ça fait combien de temps? Ça fait des années, puis des années, puis des années, puis des années que les gens essaient de se situer, de se préciser, de se sentir réellement bien dans leur peau. Des années. Ils ont essayé tout. La réponse est simple. C'est la vibration. C'est un peu comme l'éducation et l'instruction. Exactement. Il y en a qui ont des. Pensent qu'ils ont l'éducation, ils pensent qu'ils ont un livre. C'est pas un peu. Parce que le mental est totalement expérientiel. Il est totalement expérientiel. Il y a rien d'éducatif. Comment il vous parlera? Comment vous perdez-vous aujourd'hui pour vous dire en 10 ans? Ça va passer un petit peu sur la tête. Parce que c'est totalement expérientiel. Non. C'est expérientiel. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. Il n'y a rien de psychique là-dedans. Vous auriez appris plus à soi si j'avais sacré mon camp qu'avec tous les gens là. Au moins, vous n'avez un petit peu. C'est bien. Rappel du pied. C'est au bout de l'appel du pied. C'est au bout de l'appel. Je vais vous montrer longtemps, hein? Je vais vous montrer longtemps. Je vais vous montrer longtemps. Moi, je te l'ai dit. J'ai dit, pourquoi tu ne fais pas une affaire globale? Tu cherches tant au monde, là, pour un an ou deux ans, ou pas. Final. Non. La part. La forme. Ils veulent la détruire, la forme. Mais comment expliquer qu'à chaque fois, là, tu fais une démarche, hein, on ne veut jamais d'argent. Jamais. Puis, il faut que tu apprennes quelque part, de dire, tu n'as pas le choix, tu as beau le dire, il faut bien payer tout de suite, mais à un moment donné, il faut que tu payes. Mais ça n'arrête pas, jamais, jamais. Tu as 10 pièces d'extra, tu vas arriver, tu vas avoir un pépin qui va te tomber dessus pour 15 pièces. Ça n'arrête jamais, jamais. Tout le temps, ça n'arrête pas. Ça n'arrête en fait, là-bas. Tu ne vendras pas plus. Si elle a fait 15 pièces, mais j'aimerais bien avoir 10 pièces, c'est en fait. Mais non, on va en avoir 10 plus. Parce qu'en fin de compte, peut-être que tu fais, ça n'arrête pas, jamais. Ça crée une tension. C'est avec la tension dedans. Constamment avec la tension. Moi, j'ai une tension en moi là, que j'ai depuis le début de l'initiation. Il y a un moment, là, pendant des années, elle était ici. Là, elle a été pétée, celle-là. Quand elle est sortie de moi, là, c'est parce qu'elle voulait être canon. La grosse domaine. Matériel, hein? C'est assez intense, là. Il a plus fait ça avec un grand cri. Il est sorti de site. Ensuite, il y a tension. Il y a une autre tension. Au niveau du corps intérieur. Ça, je vais l'avoir jusqu'à 84, cette tension-là. Cette tension-là m'empêche d'être heureux. Ce que vous appelez être heureux, là. Tu sais, quand t'as pas de problème, t'as rien. Moi, des problèmes, je ne sais pas, mais j'ai des 4 avec nous. 5 minutes de réussir. Bon. Moi, là, pour être ce que vous appelez heureux, il faut changer de plan. Quand je change de plan, là, je suis correct, naturellement, les conditions sont totalement hors. Mais aussitôt que je reviens dans ce maudit corps matériel-là, l'attention est là. Puis il va regarder là jusqu'à 84. Sans ça, je ne fumerai pas. Je ne mangerai pas de viande. J'aurai une vie bien. Elle a là, cette attention-là. Quand t'es dans le supramental, tu ne peux pas être heureux. Rappelez-vous bien de ça. si vous êtes heureux, vous êtes pas un supplémentaire en gros. Parce que le supplémentaire, c'est un plan qui vous amène en contact avec l'invisible. C'est un grand contact avec l'invisible que là, vous avez le pouvoir d'être totalement dans la lumière. Là, c'est ce que vous appelez vous autres de bonheur parfait. Mais tant que vous êtes entre les deux, vous devez être heureux quand vous êtes chic. Dans l'amour, du dame, dans un petit peu. Vous frottez vous deux, trois heures, là. Là, vous êtes en ballon, dans votre tête. Dans l'amour, vous êtes heureux. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Non! Quand vous êtes heureux, vous êtes dans un état de vie consciente, subjective, psychique. C'est pour ça que je dis, au lieu d'employer les termes heureux, je dis, j'emploie le terme être bien dans votre peau. Quand t'es bien dans ta peau, là, là, là, t'es bien. T'as plus de problème dans ta tête. T'es bien. Mais la vibration est encore là. Fait que tu peux pas être heureux. C'est la vibration qui crée l'attention. Oui, oui, quand le cycle sera commencé, puis le changement de plan sera opéré, mais le changement de plan n'est pas opéré. Fait que là, que c'est que l'attention est là, puis elle sert à transformer, puis à transformer, puis à transformer. Puis vous allez réaliser ça, puis assez vite, qu'il y a toujours une petite tension vibratoire en dedans et tout. Il y en a-tu qui savent ça? Il y en a-tu qui tentent toujours une... Il y a toujours un état intact. Ça te surprend. OK, là? Ça peut s'exprimer par une tristesse. Ça peut s'exprimer par n'importe quoi. Mais il y a toujours... T'es jamais heureux. Il y a toujours une petite crotte dans quelque part. Il y a toujours comme une petite vie, une petite intelligence en dedans. J'essaie de mettre ça. Il y a toujours quelque chose en toi qui n'est pas totalement... Il y a une guise qui ne tourne pas de même temps que les autres. Il y a toujours quelque chose. Il y a une guise qui tourne à l'arrêt des autres. Il y a toujours un mouvement d'énergie quelque part. Soit ici ou là, il y a toujours... C'est ça la conscience. C'est ça la conscience. Ça grandit. Dans tes actions tous les jours, aussitôt qu'il y a un effet qui arrive, là, cette vibration-là, bon, zoup, de même. Tu veux le servir. Les gars, zoup! Ah bon! C'est là que tu as cette affaire-là, ici, autour de ta tête. Tu viens. Ça t'enchaîne des mots physiques. Ça peut faire bien les affaires. Oh, ça peut t'amener même jusqu'à la maladie physique. Il y en a qui sentent des mal de bois ici. Ah ouais, c'est ça. Mal de la tête. C'est ça. Ça fait des tensions. Ouais. Mais au départ, quand tu fais la part des choses, il y en a qui vont dire, ah! Je veux qu'ils répondent à ce qu'il y a. Dis, là, ce qui arrive, c'est ça qui est important. Bien bref. Ce qui arrive, c'est qu'éventuellement, quand tu deviens bien mental, que ça se loge dans le physique ou n'importe où, tu t'en occupes pas. Fait que tu peux plus venir malade. Ouais, si tu t'en occupes, t'es foutu. Tu t'arrêtes de ça? Ben, c'est évident. Tu nourris, puis là, tu crées une part. Et si tu t'en occupes pas, oui, mais là, de ne pas s'en occuper, là. Quand tu n'as pas s'en occuper, là. Je veux dire, moi, quelqu'un qui est malade, là. Bon. Donc, physiquement, ça ne va pas. Ouais. Là, il t'a dit, il dit, bois. C'est une vibration que c'était juste. Ben, il ne va pas avoir le docteur sous prétexte que c'est une vibration. Moi, je dis au départ, c'est moi qui pense que ça, ça va être correct. Tu vas voir le médecin, il vous fait oui, absolument. Si tu as quelque chose, tu soignes. Si tu n'as rien, ben, que le docteur n'en porte. Absolument. Ça, c'est très vrai. C'est très important. Il faut que les gens soignent. Mais ce qui arrive, c'est qu'à un certain moment, tu le sais, tu le comprends, que c'est tout un jeu vibratoire. Puis là, tu as la vibration pour le déloger, pour la changer, cette vibration-là. Fait qu'à ce moment-là, tu vas venir t'inquiéter. Mais tant que tu n'as pas cette conscience assez précise-là, là, tu es obligé de le faire. Faut qu'on prenne soin de notre corps matériel. Faut pas tomber des nuages. Croire au miracle, croyez jamais au miracle, Pierre. Yeah. c'est là une forme. C'est belle forme. Ça te fait chier de voir. La terre, ça te fait mais cette petite tension vibratoire, il y en a combien qui attendent cette petite tension vibratoire? Une plafond. C'est pas mal. Dans ce cas-là, dans un mur, on peut avoir quelqu'un qui va avec toi pour que tu tombes malade. Cette tension-là, elle te fait sentir tout seul, d'accord? Non, parce que moi, j'étais à l'hôpital une semaine de temps, pas une maladie, j'aurais jamais été certain que c'était quoi, puis je suis sorti, je savais que c'était pour bien. Souvent, cette tension-là, elle va se loger dans le plexus solaire, au début. C'est tout quelque chose. C'est Là, où je te dis, il y en a qui appellent ça des espaces nerveux. Des espaces nerveux? Attention, parce qu'il y a un petit peu de vite là-dedans. Je ne lave pas le visage avec ça. J'en veux le mot égrégore, ce que je dis, toute construction par votre esprit, d'une part, soit mentale ou émotionnelle, c'est un égrégore. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Une pensée, c'est réel. Une émotion, c'est réel. Quand vous êtes dans le mental, si vous créez une pensée, vous la détruisez automatiquement. Vous ne vous accumulez jamais d'agrégats. Si vous vous servez d'une énergie émotionnelle, vous la détruisez, vous en servirez, vous la détruisez. Enfin, vous n'aurez jamais d'agrégats. Quand vous êtes dans le mental, vous créez de l'émotion, puis vous créez de la pensée subjective, puis ça reste, puis ça flotte, puis ça flotte. Ça, ça empêche le contact précis avec les autres. C'est ça que j'appelle de l'égrégore. Appelez ça de la mousse. C'est une mémoire. C'est une mémoire. Maudit, j'étais déjà. C'est une mémoire. L'égrégore, c'est une mémoire, soit au niveau individuel ou au niveau de la mémoire. C'est une mémoire. Effectivement, c'est une mémoire. Et cette mémoire-là doit être détruite. C'est avec cette mémoire-là que vous pensez. C'est avec cette mémoire-là que vous allez. Puis que vous vivez dans le passé. C'est avec cette mémoire-là que vous souffrez du passé. C'est avec cette mémoire-là que vous souffrez des pensées que vous avez. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que pour détruire cette mémoire, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, accrochez-vous pas à vos pensées. Accrochez-vous pas à vos sentiments, à vos émotions. Vous les vivez, puis accrochez-vous pas. Hein? Vous ne pouvez pas vous empêcher encore de penser. D'abord, on ne s'empêche pas de penser. Mais moins vous vous accrochez, moins vous maintenez en vie cet égrégore-là. Puis au fur et à mesure que votre niveau de conscience change, que vous allez vers le mental supérieur, au fur et à mesure que les chocs vibratoires qui se répercutent dans les centres d'énergie de votre corps mental, de votre corps émotionnel, détruit cet égrégore-là. Fait qu'éventuellement, l'égrégore, tu n'es plus. Quand tu n'as plus d'égrégore, tu ne peux plus fonctionner en relation avec le passé. Puis tu peux comprendre l'avenir. Mais tu peux pas fonctionner en relation avec l'avenir. Tu peux comprendre l'avenir, tu peux savoir l'avenir. Mais t'es pas attaché à l'avenir. T'es toujours dans le présent. Parce que le présent peut aller de deux bords. Autant le présent peut aller à le passé, autant le présent peut aller à l'avenir. Mais si tu t'attaches aux formes qui servent à t'inspirer de la nature, du présent ou du passé, du passé ou de l'avenir, à ce moment-là, tu crées des grégores, puis c'est pas bon, des grégores. C'est ça qui forme le plan psychique de l'âme. Les grégores, le plan psychique de l'âme est formé des grégores. À tous les niveaux. Ça, ça existe au niveau de la civilisation, la planète. C'est vos propres créations qui vous alourdissent, suivant votre état émotionnel, et ainsi de suite. C'est ça qui vous limite. C'est ça qui crée la statique entre les plans de la conscience pure et le plan de l'âme. C'est pour ça que l'énergie ne passe pas. Fait, qu'est-ce qui arrive quand l'énergie part? Vous avez cet égrégore-là, cet abardasse en dedans. Fait que là, vous passez des périodes de temps. Vous pensez à ça, vous ruminez à ça. Tout le sait. Quand j'ai parlé de Lucifer, ça peut pas vibrer ça. Les gens ne peuvent pas comprendre comment est-ce qu'on peut vivre sans penser. C'est la chose. Comment est-ce qu'on peut fonctionner sans mémoire? C'est la chose de plus facilement. Mais les gens ne peuvent pas comprendre parce qu'ils pensent. Puis on a la mémoire. C'est ça. Tout ça. Moins tu penses, plus l'énergie passe. Moins tu penses, plus l'énergie passe. C'est ça que c'est bon en méditation. Parce que ça vous amène un petit peu à relaxer ça, cette parente-là. Là, l'énergie passe. Et vous n'êtes pas dans le mental encore, la méditation. Vous êtes encore dans la psychique. Vous êtes dans la psychique. Vous êtes dans la méditation, vous êtes dans la méditation. Moi, quand je vous le dis, par exemple, qu'on est des niaiseux, j'en peux trouver des formes d'être pour expliquer dans l'état. Quand je vous dis qu'on est des niaiseux, je vous le dis parce que je réalise combien on est emprisonné dans l'égrégore de nos pensées fortes. De sorte qu'on est incapable de participer à la vitesse extraordinaire de notre esprit. Quand tu ne peux pas participer à la vitesse extraordinaire de ton esprit, tu ne peux pas connaître la dimension extraordinaire du cosmos. Parce que pour comprendre le cosmos, il faut que tu serves de ton esprit. Tu es obligé de te servir de ton esprit pour connaître le cosmos. Parce que ton esprit, c'est la mesure de toute chose. Fait que si ton esprit ne peut pas fonctionner à sa vitesse réelle, tu ne peux jamais connaître le réel. Quand ton esprit commence à fonctionner au niveau du réel, de son réel, à ce moment-là, tu connais le réel. Là, tu es dans le réel. Tu es plus intéressé à la vérité qu'au mensonge. Parce que la vérité fait partie du mensonge. Mais la vérité, c'est pour attraper nos esprits négaux. Puis le mensonge, pour nous voir les portes à la réalité. Fait que les deux servent, tout va. C'est difficile, nous autres, de ne pas rechercher la vérité. Parce qu'on est foncièrement insécure, parce qu'on pense. L'insécurité, elle vient du fait qu'on pense. Si on pense à pas, on n'aura pas d'insécurité. Fait qu'on cherche la vérité. Mais c'est du côté droit, pas du côté droit, finalement. Tu veux te mieux avec les polices et les bandits? Puis on la cherche, puis on la cherche, puis on la cherche. Puis les hommes cherchent la vérité depuis combien de temps? Des siècles. La gravité? Si tu veux savoir de la gravité. Je m'en parler dans le cadre que tu viens de le proposer. L'homme doit un jour être libéré de la gravité. Libre de la gravité. Pour deux raisons. D'abord, parce que quand tu n'es pas libre de la gravité, tu es obligé de subir l'influence de ton corps matériel sur tes corps subtils. Parce que le taux vibratoire de ton esprit n'est pas assez élevé. Fait qu'une raison fondamentale pourquoi il faut être libre de la gravité, c'est pour nous permettre à nous, les hommes, de vivre au niveau de notre esprit quand on veut et de venir dans notre corps quand on veut. Au lieu d'être prisonnier dans notre corps parce que notre corps est trop dense, parce que notre corps est soumis à la gravité, parce que notre corps n'est pas libre de la gravité par le pouvoir de notre esprit. Une fois qu'on sera libre de la gravité au niveau de notre corps, ce sera parce que notre esprit sera assez puissant pour sortir de notre corps à volonté, pour nous permettre de faire l'investigation de l'univers sur les plans où on voudrait bien aller et ramener sur le plan matériel de l'information, de la connaissance qui nous permettra de spiritualiser la matière, autrement dit de rendre la matière